Un jour, se promenant auprès d'un petit bois, il vit accourir à lui un eunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers qui paraissaient dans la plus grande inquiétude et qui couraient, çà et là, comme des hommes égarés qui cherchent ce qu'ils ont perdu de plus précieux. « Jeune homme, lui dit le premier eunuque, n'avez-vous point vu le chien de la reine ?» Zadig répondit modestement, « C'est une chienne, et non pas un chien. »« Vous avez raison, reprit le premier eunuque. « C'est une épagneule très petite, ajouta Zadig. Elle a fait depuis peu des chiens. Elle boite du pied gauche de devant, et elle a les oreilles très longues. « Vous l'avez donc vue ? » dit le premier eunuque tout essoufflé. « Non, répondit Zadig, je ne l'ai jamais vue, et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne. » Précisément dans le même temps, par une bizarrerie ordinaire de la fortune, le plus beau cheval de l'écurie du roi s'était échappé des mains d'un palefrenier dans les plaines de Babylone. Le grand veneur et tous les autres officiers couraient après lui avec autant d'inquiétude que le premier eunuque après la chienne. Le grand veneur s'adressa à Zadig et lui demanda s'il n'avait point vu passer le cheval du roi. « C'est, répondit Zadig, le cheval qui galope le mieux. Il a 5 pieds de haut, le sabot fort petit. Il porte une queue de 3 pieds et demi de long. Les bossettes de son mors sont d'or à 23 carats. Ses fers sont d'argent à 11 deniers. « Quel chemin a-t-il pris? Où est-il ? » demanda le grand veneur. « Je ne l'ai point vu, répondit Zadig, et je ne l'ai jamais entendu parler. » Le grand veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n'eût volé le cheval du roi et la chienne de la reine. Ils le firent conduire devant l'assemblée du grand Desterham, qui le condamna au Knout et à passer le reste de ses jours en Sibérie. À peine le jugement fut-il rendu, qu'on retrouva le cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureuse nécessité de réformer leur arrêt, mais ils condamnèrent Zadig à payer 411 d'or pour avoir dit qu'il n'avait point vu ce qu'il avait vu. Il fallut d'abord payer cette amende, après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause au conseil du grand Desterham. Il parla en ces termes.